Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans le studio avec un jeune homme belge. Comment te llamas? Michele. Michele, muy bien. Entonces, cuando preparo la entrevista, normalmente pregunto de dónde eres. ¿Y tú de dónde eres? Je viens de Quiévrain. Eso es muy conocido de todos nuestros oyentes. Non, c'est pas connu du tout. Et ça se trouve dans le Hainaut. Dans le Hainaut. El Hainaut, ¿qué es? C'est une province de la Belgique et elle a des frontières avec la France. Muy bien, porque hay que recordar a nuestros oyentes que en Bélgica no hay departamentos, sino provincias. Perfecto. Y entonces, el Hainaut, ¿dónde se sitúa? Donc le Hainaut, ça se situe, donc, comme je l'ai dit avant, donc dans à la frontière française. Et ça les villes françaises de référence qui sont pas loin du Hainaut, ce seraient Lille et Valenciennes, donc deux des villes principales de la région du Nord. Du Hainaut. O sea, para un poco aclarar a nuestros oyentes, podríamos decir que le Hainaut es como Navarra, un trozo en Francia, un trozo en España, ¿no? Voilà, exactement. Il y a une certaine partie du nord de la France, ou du moins de la région, du département du Nord, qui s'appelle communément le Hainaut. Le Hainaut. Muy bien. ¿Y hay un río entre las dos provincias que sirva de frontera? Oui, donc à Quiévrain, il y a une toute petite rivière, vraiment minuscule, mais c'est quand même une rivière, qui s'appelle la Honelle. La Honelle, et qui sert un peu de frontera. Un peu comme entre France et Espagne, la Bidasoa, ¿verdad? Que está allí en el País Vasco francés y español, sirviendo de frontera. Pues muy bien. Y entonces, esa ciudad históricamente tiene una importancia. Oui, c'est une ville assez importante historiquement parce que, vu sa position entre la France et la Belgique, elle était un point de passage obligé pour tous ceux qui allaient de Paris à Bruxelles. O sea, que era la carretera antigua normal para ir de París a Bruselas. Y había una aduana. Oui, il y avait un fielato, un puesto de aduana, sí. Oui, oui, il y avait une douane. Bon, elle n'est plus utilisée maintenant du tout avec l'accord de Schengen, forcément. Mais elle est encore là, du moins elle a été... Le bâtiment existe toujours. Le bâtiment existe toujours, maintenant il contient des maisons sociales. Ah, très bien. Donc on tire parti de los antiguos edificios. Perfecto, muy bien. Y entonces, es una ciudad pues más o menos importante, un pueblo grande, ¿verdad? Es casi bien una ciudad. ¿Y qué actividades tiene? ¿De qué vive Quiévrain? Qué pregunta, ¿verdad? Pero sí. Sí vive de algo, de comercio seguramente. Oui, le commerce, et vu que c'est une ville qui se trouve à la frontière, ben, les commerces qui marchent le mieux à Quiévrain sont ben, tous les supermarchés ou tous les magasins qui vendent de l'alcool et des cigarettes parce qu'ils sont moins chers en Belgique. Et puis également les friteries. Et les mouleries. Les frites, ça va avec les moules. Oui, mais enfin, à Quiévrain, les moules, c'est un peu plus difficile parce qu'on est assez loin de la mer. Les moules, c'est plus pour le nord de la Belgique, enfin la côte, quoi. C'est 50 km de côte. Ah, là, oui. C'est les moules. Maintenant, à Quiévrain, oui, c'est les frites. Les frites. Il y a énormément de Français qui viennent. Ils vont faire un petit tour, comme voilà, dans les friteries à Quiévrain. Patata fritas. Muy bien. Voilà. Que cosa más simpática. Nous allons écouter une petite chanson. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a mis un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur, mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi les trois prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train.

et vous avez, assez longtemps. Voilà, et vous avez su prendre les bonnes choses des Espagnols, c'est-à-dire le sens de la fête. C'est magnifique. Bon, eh bien, au revoir, mes chers amis. À la semaine prochaine.